soleil du jour. Se prier quelques petits fours, de bons enfants gras comme toujours. Quand quatre petits vautours, petits s'en allaient au lever du jour. Se prier quelques petits fours, de bons enfants gras comme toujours. Pourquoi tant de haine, tu es grand mutaine? Il y a tant de meilleures choses à faire. Peut-être un jour il n'y aura plus d'enfants, assez pour faire tourner la terre. Pourquoi tant de haine, tu es grand mutaine? Il y a tant de meilleures choses à faire. Peut-être un jour il n'y aura plus d'enfants, assez pour faire tourner la terre. Quand quatre petits vautours crient, jouer avec le butin dans leur nid. Avant de passer à l'orgie, c'est qu'ils étaient forts en appétit. Quand quatre petits vautours crient, jouer avec le butin dans leur nid. Avant de passer à l'orgie, c'est qu'ils étaient forts en appétit. Pourquoi tant de haine, dit le croque-mitaine? Il y a tant de meilleures choses à faire. Peut-être un jour il n'y aura plus d'enfants, assez pour faire tourner la terre. Pourquoi tant de haine, dit le croque-mitaine? Il y a tant de meilleures choses à faire. Peut-être un jour il n'y aura plus d'enfants, assez pour faire tourner la terre. Il y a tant de meilleures choses à faire. Peut-être un jour il n'y aura plus d'enfants.